Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, 50e épisode. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 29 octobre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Jules Ferry. Tu es trace de craie sur ta veste en velours côtelé, tu es camif, tu es conseil de classe, tu es le niveau baisse et tu es aussi... Bon allez, vous sortez un quart de feuille, interrogation écrite, flash éclair, un quart de feuille, etc. Vous marquez la date d'aujourd'hui en anglais. What's a day today? Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin tu es prof, donc forcément auditeur de France Inter. Depuis mercredi dernier, les enseignants de l'éducation nationale sont en vacances pour la Toussaint. Après 2 mois de labeur, ils font une courte pause bien méritée. Alors, à l'heure où les élèves sont tranquilles peinards, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, en 53 minutes, d'explorer en loose day cet univers mystérieux qu'est la salle des profs. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle de tes gentils professeurs. Pour commencer, de la correction des copies au stress de l'inspection, il faut tenter de dessiner ce que peut être une vie de prof. Ensuite, nous dresserons une galerie de portraits des différents types d'enseignants que tu as pu croiser durant ta scolarité. On enchaînera justement sur une petite surprise du facétieux Jamel Debbouze qui viendra nous parler d'une nouvelle catégorie de profs nommée récemment dans les zones d'éducation prioritaire. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons les relations qu'ont entretenues avec leurs professeurs, les leaders de notre classe politique lorsqu'ils sont entrés au lycée en classe de seconde. Et enfin, de raconter cette célèbre réunion parents-prof qu'a vécu Jean-Claude seul mardi dernier, veille des vacances, au sujet de leur fils Rémi, toujours lycéen cette année. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et pour les retardataires, il faut un mot d'excuse des parents. Take my eyes off of you. can't take my eyes off you. C'est ce que chantent en 1982 les Boys Town Gang. Can't take my eyes off you. Je ne peux pas te quitter des yeux. C'est un peu ce que dirait une adolescente pleine de gloss du jeune remplaçant. Il est si beau gosse. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de jouer aux zoologues et de s'intéresser à cet animal étrange que l'on a tous gratuitement, laïquement et surtout obligatoirement fréquenté durant notre adolescence, à savoir le professeur. Le professeur, Professor familiaris, est un mammifère de la famille des hominidés. Le petit professeur, appelé aussi stagiaire, subit une année de dressage, enfin de stage, à l'IUFM pour sa titularisation. C'est ensuite qu'il obtient alors sa première mutation. Vous me voyez dans cette école, parce que l'inspecteur s'est trompé. Je devais être muté, ma parole, au même lycée que les pieds nickelés. Il est rigolo le professeur qu'on nous a donné pour s'instructionner. Et il est rigolo le professeur qu'on nous a donné pour s'instructionner. Et pour sa première rentrée, le professeur qu'on nous a donné, il est plein de sentiments contradictoires. La raison lui dit de ne pas entrer dans cette salle de classe où l'attendent plus de 30 mômes en furie. Mais son instinct est plus fort, alors le professeur, il y va. C'est un choix la plupart du temps, une vocation mais plus rarement. Quoi de plus excitant, c'est vrai, que de transmettre la pensée. C'est sans compter sur les angoisses des premiers pas devant la glace. Le stress du prof. Le stress. Oh, le stress. Le stress du prof. Le stress du prof. Le stress. Oh, le stress. Le stress du prof. Et en plus, il te sourit même pas. Même pas. Finis par flipper un max. Le stress du prof, ce n'est pas de ne pas maîtriser son sujet, car il est hyper qualifié dans sa discipline. Non, le stress, c'est d'avoir du mal à faire passer son savoir. C'est surtout la crainte de ne pas être aimé de ses élèves et de les ennuyer. Si j'en crois votre silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si, je devais Oui, le professeur veut être aimé. Alors, très vite, cet animal aux facultés d'adaptation remarquables comprend que pour intéresser les mômes, il faut en avoir une sacrée. Ah, l'éloquence, c'est l'art de savoir bien causer. Pourquoi ? Parce que... Ah bon ? Mais oui. Ah, l'éloquence indique la personnalité. Pourquoi ? Parce que... Ah bon ? Ah, l'éloquence, moi dans ma famille, c'est courant. Mais pourquoi ? Mais parce que... Ah bon ? Ah, elle comprend rien. Ah, l'éloquence, j'allocutionne familièrement. Ça fait que pour causer, j'ai pas de mal. J'ai des allocations familiales. Alors voilà, avec de l'éloquence, le professeur arrive, parfois, à intéresser ses élèves, même aux maths ou à l'allemand. D'ailleurs, l'animal professeur fait preuve de beaucoup d'éloquence lorsqu'il se retrouve en meute avec ses congénères. Vous n'allez tout de même pas lui refuser les félicitations. C'est le seul élève à peu près bon en maths. Il fout rien en gym. Il a un de moyenne. C'est vrai qu'il n'y a qu'en gym que ça ne va pas. Aujourd'hui, on a plus besoin de cervelle que de muscles. Eh ben, il n'y a qu'à la supprimer, la gym. Comme ça, il n'y aura plus que des avortons avec une grosse tête de citrouille et un squelette, comme vous. Allons, allons, messieurs, nous nous égarons. Et en histoire-géographie ? Bon, il croit que Hong Kong est un gorille géant. Mais à part ça, ça peut aller. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour celui-là ? Qu'est-ce que je mets aux parents ? Oh, pour celui-là, plus rien à faire. Vous n'avez qu'à dire aux parents d'en faire un autre. Bien sûr, c'est toujours la même chose. C'est la faute aux parents. Des parents qui ne s'aventurent que rarement sur le territoire du professeur. Une ou deux fois par an pour des réunions ou toutes les semaines quand ça va mal. Il faut dire qu'en plus des parents, le professeur doit aussi gérer son ministre. France Inter. Claude Allègre et Ségolène Royal à ses côtés ont présenté ce matin leur programme pour l'éducation nationale. Claude Allègre a l'air bien décidé à engager des réformes de structure. Il faut débureaucratiser l'administration de l'éducation nationale qui représente plus d'un million de personnes. Alors parmi toutes les formules imagées employées par le ministre de l'Éducation nationale, il en est une qu'on risque de ressortir souvent. Claude Allègre a expliqué qu'il fallait dégraisser le mammouth. Mais c'est avec beaucoup d'allégresse que le mammouth a fait reculer le ministre. Car le professeur, il n'aime pas trop qu'on lui titille le statut. D'ailleurs, le professeur, il adore que tout soit bien cadré. Ainsi, la vie du professeur est rythmée par un emploi du temps très détaillé qu'il a découvert le jour de la pré-rentrée, un moment fort dans son cycle annuel. De la même manière, le territoire du professeur est très bien délimité. C'est la salle de classe, parfois c'est un atelier ou un labo, mais c'est surtout, surtout la salle des profs. C'est là que se retrouve le cœur de son refuge, à savoir la machine à café, devant laquelle le professeur, chahuté par quelques élèves spécialisés dans les cris d'animaux, se rend compte de la terrible vérité. Le professeur est entré à l'école à l'âge de 4 ans et il risque d'y passer sa vie. J'en ai marre d'aller à l'école, j'ai jamais été très doué. Tout petit, à part les guignols, rien ne pouvait m'intéresser. J'en ai marre d'aller à l'école, j'ai pas retenu mes leçons. Le professeur en a parfois marre d'aller à l'école, mais il en a surtout marre de ramener du travail chez lui. Il y a les cours à préparer, les copies à corriger. Bon, tu me diras, d'après la rumeur publique, plusieurs fois dans son cycle annuel, le professeur hiberne. Mais là encore, il a des copies à corriger qui, en juin, pour le baccalauréat, repoussent les vacances d'un mois. Car dans un mois, le bac sera passé, je pourrai, soyez-en sûr, bien me rattraper, boire et danser, m'amuser et chanter, aimer et flirter. Viens me rattraper, boire et danser, m'amuser et chanter, aimer et flirter. Eh oui, parce que le professeur, il aime bien flirter. Et le plus souvent, c'est avec un autre professeur. Alors, pour leurs enfants, ben, on connaît la suite. Pour terminer, c'est souvent l'âge qui oblige l'animal enseignant à quitter son territoire. Il finit sa vie par un pot avec ses collègues dans le réfectoire, serein. Car le professeur a très peu de prédateurs. Enfin, il existe tout de même un autre animal dont le professeur se méfie beaucoup, c'est l'inspecteur qui vient visiter la classe. Élève la bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez 9. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papille, au lycée Papillon. Élève Podaran. Vous connaissez bien l'histoire naturelle. Eh bien, dites-moi ce qu'est un ruminant. Et puis citez-moi. Et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Les ruminants sont des coléoptères, tels que la langouste et le rat à dégoût, le cheval de bois, le poule à belle-mère, qui bave sur sa proie et puis cavale tout. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papi, au lycée Papillon. Élève Troufigne. Présent. Vous connaissez bien la géographie, eh bien citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est là que mourut Philibert Besson. Bravo, mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papy, au lycée Papillon. Élève contre la présent, vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne zéro. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papille, au lycée Papillon. Le lycée Papillon, établissement scolaire très spécial, rattaché à l'académie de l'inspecteur Georgius en 1936. Alors, pour continuer l'exploration de cette galaxie mystérieuse qu'est l'Éducnat, après avoir survolé ce que peut être une vie de prof, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes aux différents types d'enseignants que tu as pu croiser durant ta scolarité. Eh bien, du cours préparatoire à l'obtention du bac, un élève fréquente plusieurs dizaines de professeurs. Et, durant sa vie scolaire, l'élève passe presque plus de temps avec le corps enseignant qu'avec sa propre famille. Du coup, chacun d'entre nous possède des souvenirs très particuliers liés au prof. Qui ne se souvient pas, par exemple, d'avoir eu Monsieur Truc en mathématiques, dont les problèmes gastriques provoquaient malheureusement chez lui une sévère haleine de poney ? Qui ne se souvient pas non plus de Mademoiselle Bidule, jeune prof d'anglais, dont le décolleté plongeant pouvait agrémenter parfois certaines de nos pratiques nocturnes et onanistes. De la même manière, à chaque rentrée scolaire, nos parents, mais aussi nos frères et nos sœurs, s'inquiétaient de savoir quel prof nous avions en histoire géo, en français ou en sport. Enfin, non, pour le sport, en général, tout le monde s'en fout. Quoi qu'il en soit, la simple évocation du nom du prof provoquait des réactions immédiates, du genre « Oh là là, avec elle, c'est sûr, tu vas perdre une année en maths !» Mais il arrivait également que nous entendions aussi « Ah, tu as monsieur machin en sciences physiques, tu vas voir, il est très intéressant, mais surtout, il est très sympa !» Alors, Mouloud, eh ben, ça mérite la moyenne, hein. 10 sur 20, c'est sympathique, c'est formidable, moi je trouve ça même très bien, il y a un bon fond, je comprends pas pourquoi je t'ai mis que 10 sur 20, je vais te mettre 13 sur 20 parce que ça mérite... Oh hey, monsieur, vous avez trop la forme, hein. Vous avez rentré avec le déchiffeur ou quoi? Ah, il tue son live, il tue. Vas-y, tu gardes ta réflexion pour toi, s'il te plaît, merci. Alors, Moussa, 6 sur 20, ça veut dire quoi, ça? 6 sur 20, ben, c'est dommage, j'étais bien parti, là, regarde. Il y avait un bon début, c'est bien dans le sujet. Il y a même une très bonne citation d'M6 Solar, je comprends pas, je vais te mettre 12 sur 20, parce que ça me mérite. Oh oh, et là, j'en termine avec Diouf. Diouf, une feuille blanche, on peut savoir pourquoi. Ça... J'ai des problèmes familiaux, monsieur. Je suis un cas social, hein, c'est vous qui l'avez dit. Oui, non, mais là, t'es gentil. Diouf, tu me trouves une autre excuse, tu prends ton disque, tu changes de face. Hein. On dit plus des disques, on dit des skates. Ouais, vous êtes datés, monsieur les skates, ils ont qu'une face. Aujourd'hui, on n'écoute plus de l'accordéon. Allez, ça suffit. Mais non, alors maintenant, on va voir comment fonctionne un poste de radio. Je vous demanderai un petit peu de sérieux à tous et un petit peu de calme, d'accord? Et voilà, un poste de radio. Encore un prof qui écoute France Inter, ça. Merci, monsieur. Cela dit, attention, le prof sympa et intelligent avec les mômes, ce n'est pas non plus l'unique souvenir que nous gardons du corps enseignant, surtout en sciences physiques d'ailleurs. Vous allez aussi calculer la pression qui s'exerce sur les parois du bathyscaphe à 150 mètres de profondeur. Silence ! C'est très facile, faites pas semblant d'être plus nul que vous l'êtes. Il n'y a qu'à appliquer le principe d'Archimède. Archimède, qu'est-ce qui nous prouve qu'il a existé, Archimède ? Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé. N'empêche que Archimède, on ne sait pas si... De la part d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide subit une force verticale dirigée de bas en haut et égale au poids du volume de fluide déplacé. Il est vrai qu'il est arrivé parfois que nous ayons eu l'envie de vérifier ce principe d'Archimède sur certains de nos professeurs sadiques et complètement idiots, car il y en a bien sûr comme partout. Alors certes, nous avons tous en mémoire certains profs que nous avons détestés, mais nous avons aussi et surtout le souvenir du prof, celui qui au contraire nous a ouvert l'esprit. Soit primo qu'il nous a fait aimer la littérature, soit encore qu'il nous ait réconcilié avec Pythagore, ou soit enfin qu'il ait contribué à l'élaboration de notre conscience politique. Il subsiste des problèmes qui sont problématiques, qui demeurent et qui restent inadmissibles. Voilà. On peut pas, tant que les pouvoirs publics n'auront pas accepté ce que les dirigeants du SGEN, de la FUV, du SPLIT et du SGEG réunis ont proposé, on reste dans l'impasse. C'est quoi ces propositions? Alors, bon, les propositions, elles sont claires. Primo, revalorisation des pouvoirs d'achat. Deuxio, augmentation des salaires. Et tierso, trimo, plus d'argent à la fin du mois. Qu'est-ce que vous enseignez, vous? Ne cherchez pas à embrouiller. Il y a un problème, il faut le résoudre. Le français, c'est ça. Oui, les profs de français ont souvent de l'éloquence et ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Ils revendiquent, ils protestent. Ce qui est moins vrai pour les enseignants du privé. Car même si toute la bande du Manchin Palace n'a connu que les établissements publics, il n'en demeure pas moins que nous aurons ici ce matin une pensée pour les profs du privé pour qui, comme chacun sait, la vie est un peu plus difficile dans l'établissement scolaire. Il y avait une institutrice à Sainte-Anne-de-Quimperlé qui n'y voyant pas malice épousa un divorcé. Elle fut mise à la porte sans aucune hésitation. Faut pas de gens de cette sorte dans une bonne institution. Vive les culs bénis, ma mère, vive les culs bénis. Vive les culs bénis, ma mère, vive les culs bénis. Cela dit, il semblerait que les établissements privés aient de beaux jours devant eux. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'avenir des profs en général semble aujourd'hui sévèrement menacé. Car avec la volonté continue de supprimer des postes associés à l'explosion des nouvelles technologies, nous pourrions assister, l'ami, à la disparition pure et simple de cette sublime profession. La machine à apprendre, elle vient d'Amérique. Asseyez-vous. Attention, une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. ONU, Organisation des Nations Unies, fondée en 1942. Attention, répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter? Si. L'ONU a été fondée en 1942. Répétez 42 plusieurs fois. 42. Attention, nouvelle question. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Répétez. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Plus vite. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. En quelle année? En 40. Qui? De Broglie. Pour l'instant, rassure-toi, tout cela ne demeure que de la fiction. Mais quand on voit l'incohérence de certaines directives pédagogiques, comme la bivalence, qui consiste à dire grosso modo que n'importe quel prof peut enseigner n'importe quelle matière, on est en droit de se poser certaines questions sur leur avenir. En attendant qu'ils soient au lycée, au collège ou à l'école primaire, les profs constituent encore aujourd'hui un groupe social fort qui se reconnaît immédiatement à certaines valeurs communes. Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Alors maintenant, pour être un peu plus complet sur le monde enseignant, il nous faut bien sûr évoquer cette nouvelle catégorie de profs nommée récemment dans les zones d'éducation prioritaire dont nous parle le Zébulon Jamel Debbouze juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. En allant accompagner ma petite sœur au collège, je me suis aperçu que l'éducation nationale, pour renforcer les profs, ils ont décidé d'envoyer des keufs. Dans les collèges. Des keufs dans des collèges. Mais ils vont galérer, les keufs en maths. C'est sûr. Non, mais sérieux. S'il vous plaît, monsieur l'agent, s'il vous plaît. Vous pouvez m'expliquer le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore. Pythagore. Le plus simple. D'ici, tu prends tout droit. Tu vas tomber sur l'intersection. Non, mais ça n'a rien à voir avec la géographie, c'est de la géométrie. Je connais le théorème de Pythagore. T'es pas bien, toi, d'abord, avant de poser des questions débiles, là. C'est ça, les ZEP, malheureusement. Et c'est vrai si vous avez connu ça. Mais nous, en fin de troisième, on nous faisait visiter l'établissement dans lequel on devait aller l'année d'après. Tu te rappelles de ça? Eh ben, nous, ils nous ont fait visiter la prison de Bois d'Arcy, direct. Ça sera ici que vous irez l'année prochaine. Ben, tu vois, la cour de promenade, c'est un peu l'équivalent de votre cour de récréation. Vous ne serez pas perdus. I must have got up about 6:40, had a shower, and had breakfast, and had a couple of pieces of toast. You know, forced it down, then had a cup of coffee. So it was pouring with rain, and I thought, oh God, you know, cold England. I get this writer's block, it comes as quite a shock. And now I'm stuck between a hard place and the biggest rock. In my own head consumed, I sit back in my room. It's like the tapestries of life get tangled in the loom. I'm like a butterfly, caught in a hurricane. My pulse is quickening as my heart plays a new refrain. I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane. On board a bullet train, don't know yet if I'm glad I came. Obviously, this helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I always hoped that it would happen, but I never thought it really would. Sometimes at night I think too much about life and love and music and stuff. I mustn't sort of build my hopes too high. I'm living in the past. My clock's an hour fast. Should really go and make a coffee, but I can't be asked. I've lost my mobile phone. You'll have to call my home. On second thoughts, just leave a message when you hear the tone. My grimy windows show the early morning glow. Another day, another dollar in my one-man show. I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane. On board a bullet train. Don't know yet if I'm glad I came. I came. Obviously, this helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I always hoped that it would happen, but I never thought it really would. Writer's block, autrement dit l'angoisse de la page blanche, c'est ce que craint le groupe Just Jack. Mais c'est aussi ce qu'appréhendent les milliers de candidats au concours de recrutement de l'éducation nationale qui voient encore cette année le nombre de postes diminuer, dis donc. Alors, pour poursuivre notre voyage dominical, la panique au Mangin Palace a voulu observer à quel point les professeurs sont importants dans le développement futur de l'élève. Et pour cela, la panique a donc décidé de prendre un exemple précis, revivre ce lundi du mois d'octobre, à la fin des années 60, dans la vie de la jeune lycéenne Ségolène, alors en seconde. Ce matin-là, Ségolène s'était faite belle. Maquillage discret, cheveux laqués, ongles de 10 couleurs différentes, parce que... Ségolène est émerveillée par ce professeur d'anglais qu'elle trouve très à son goût, à tel point qu'elle ne remarque pas encore les œillades que lui lance son jeune camarade de classe, le petit François. À la fin du cours, il est 9h donc, Ségolène s'approche du jeune professeur et lui fait en anglais une déclaration d'amour. La réponse du professeur est immédiate. Je te réponds, ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen. Tu veux quelqu'un qui te comprenne. Je te comprends, j'essaie au moins. En vérité, le professeur d'anglais n'a rien compris à ce que lui a dit Ségolène. Mais, jugeant le niveau d'anglais médiocre de son élève, il décide de lui donner du travail supplémentaire, ça ne lui fera pas de mal. Ségolène est vexée et, pour rendre jaloux ce professeur, qui se refuse à elle, c'est décidé, elle sortira avec François, le petit gros. Ségolène quitte alors rapidement le cours d'anglais, car il est maintenant 9h05 et il y a un terreau de mathématiques. Sachant que le terrain cédé par la commune a triplé de valeur en l'espace de 2 ans. Calculez la valeur d'un studio vu sur mer à Marina Lagune. Compte tenu que le maire a touché 5%. Interrogation écrite, fermée, livrée, calibrée. Vous avez 10 minutes, je vous donne jusqu'au quart. Tous les élèves sèchent sur ce problème de maths, sauf Jacques, un redoublant qui excelle dans ce type d'exercice. Après le cours de maths, c'est la récré. Ségolène discute avec ses copines, Arlette et Bernadette, puis elle se rend tranquillement en cours de français. Mais là, chose incroyable, un parent d'élève, Madame Sarkozy, déboule dans la classe pour se plaindre des pratiques pédagogiques du prof de français. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de vos méthodes pédagogiques permissives. 68%. Des parents réclament pour leurs enfants un système pédagogique répressif. Répressif, répressif, c'est marqué dans le journal. La répression, mais ils en auront de la répression, ils en auront pour leur argent. Le petit Nicolas est très fier de sa maman, c'est son modèle. Après le français, toute la classe part en sport. Ségolène a mis son jogging rose en polyester. Mais en éducation physique, elle sait qu'elle n'atteindra jamais le tableau d'honneur, puisque dans la classe, le plus fort, c'est toujours le petit Villepin. Dominique, tes notes sont très élevées, notamment 16 en danse et même 18 en chant. Tu obtiens la meilleure moyenne générale de la semaine avec 15,98. Mesdames et messieurs les professeurs, est-ce que vous avez été conquis par l'interprétation de Dominique ? Non, c'est simplement le fait que ce soir, on a vu un vrai artiste qui a fait une prestation époustouflante. La voix, l'expression, la danse sur une chanson compliquée. Donc bravo, c'est la chose que j'ai à dire, c'est voilà, vous êtes un vrai artiste. Et oui, tous les professeurs prédisent une grande carrière de saltimbanque à Dominique. Enfin un élève pour qui l'orientation ne sera pas un problème, Fayot va. Pour la petite Ségolène, la journée au lycée touche à sa fin. Mais il reste le plus dur, le cours d'histoire-géographie. Surtout qu'à peine entré dans la classe, le professeur lui demande d'aller au tableau pour une interrogation orale. Mais Ségolène, elle a bien appris son cours par cœur. La démocratie, comme son nom l'indique, démocratie, des mots, le peuple, cratie, le pouvoir, s'exerce en France de plusieurs façons. Il y a la démocratie représentative, celle des élus. Nous avons ensuite la démocratie sociale. Et nous avons enfin le troisième pilier, et je viens au jury citoyen. Le troisième pilier, c'est la démocratie directe ou la démocratie représentative, c'est-à-dire qui fait que le peuple est appelé à intervenir sans attendre entre les deux mandats. Comment ça ? Quelques citoyens qui vont contrôler le suffrage universel ? Le professeur, qui croit que Ségolène veut introduire les soviets au lycée, se met furieusement en colère. Ah, quelle année, quelle classe ! Ah, j'en ai connu des crétins ! Mais au moins, ils étaient discrets ! Allez à votre place, copier la citation. Tant pis pour vous, vos parents paieront. Ah, elle va être un peu belle, la France, en 10 ans. Ségolène retourne donc à sa place et attend patiemment que le cours se passe. Elle est maintenant habituée aux colères de ses profs. Il est 17h et la journée se termine. Mais Ségolène ne rentre pas directement chez elle. Elle va boire un diabolomante avec son copain François. Une fois rentrée à la maison, Monsieur Royal, fou d'inquiétude, accueille Ségolène. Tu as 17 ans et tu me racontes que tu vas encore à l'école. Petit matin, tu danses encore dans les boîtes de nuit comme une folle. Comment trouves-tu les excuses ? Dis-moi comment tu les abuses. Tes professeurs, tes parents, qui te croient lorsque tu mens, parce que tu n'as que 17 ans. Ah, dis-moi quand vas-tu à l'école ? Et qu'est-ce que tu fais à l'école ? Et qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école ? Oh, ça doit être une drôle d'école. Et si toutes les filles sont aussi jolies, moi j'irai bien dans ton école. Ségolène, face à son père, sent revenir dans son esprit d'ado tous les chagrins de la journée. Le prof d'anglais, l'interro de maths, l'exposé d'histoire géo, et puis ses camarades Laurent et Dominique qui lui tirent sans cesse les nattes. Alors si désormais son père s'y met, c'en est trop pour Ségolène. Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Ségolène s'enferme donc dans sa chambre en ce lundi soir d'automne de ses années lycée. Et c'est ce soir-là qu'elle prit une décision importante pour l'avenir. Afin de montrer ce qu'elle vaut vraiment à ses petits camarades qui la chahutent et à ses profs qui la corrigent, elle, Ségolène, va se présenter à l'élection des délégués de classe. Et elle n'a rien à craindre du petit Villepin qui, lui, ne va pas se présenter car il a décidé de suivre les conseils de ses profs et de devenir chanteur, tout simplement. Je chante pour ceux qui passent. Et qui passe dans les grandes surfaces, un jour font surface dans les supermarchés, s'arrêtent de supermarchés. Ma tête de gondole dans les Fnac et les mégastores roule avec celle de vos idoles jusqu'au pied des escalators. Roule avec celle de vos idoles. Ton plus grand vivant que mort. Je chante le produit de mes vols de nuit. Je chante à l'énergie, à qui veut bien l'entendre. Moi qui me suis arrêté, je chante pour ceux qui passent. Et qui passent, et qui passent. Comme nous passons tous d'un sas vers un sas. Comme on est, on trépasse d'un sas vers un sas. Et on finit tous à la casse. Je chante pour ceux qui restent. Qui restent plantés là. Sur le pas de la porte. J'y vais ou j'y vais pas. Que le diable m'emporte. J'y vais et on verra. Je chante le produit de mes vols de nuit. Je chante à l'énergie, à qui veut bien l'entendre. Je chante à ton endroit, je chante pour ceux qui passent. Et qui passent, et qui passent. Et qui de guerre lasse dans les grandes surfaces. Un jour refont surface dans les supermarchés. S'arrêtent de supermarchés. Je chante pour ceux qui passent. À ceux qui passent, chante Jean-Louis Aubert sur son nouvel album intitulé « Idéal standard ». Et parfois, c'est ce qu'aimeraient bien certains profs psychorigides, que ces mômes qui passent entre leurs mains chaque année soient d'un idéal standard. Mais bon, la vie est un peu plus compliquée. Alors, pour prolonger notre aventure foutraque au cœur du monde enseignant, il est grand temps désormais, à 11h44, de retrouver nos deux héros certifiés, les titulaires Monique et Jean-Claude, qui ont eu fort à faire cette semaine avec leur fils Rémi, élève de terminale au lycée Amel Bent. Mardi dernier se tenait en effet au lycée la traditionnelle réunion parents-prof juste avant les vacances. Après 2 mois de scolarité, les uns et les autres ont besoin de faire un bilan. Seul problème, le mardi soir, Monique, elle, doit aller à son cours de théâtre avec le professeur Bertrand Guitry. Et du coup, le Jean-Claude a dû se rendre seul au lycée pour rencontrer les profs de Rémi. Juste avant de partir, vers 17h30, Jean-Claude demande à son fils s'il désire faire passer un message à ses profs. Ce à quoi Rémi lui répond qu'en effet, il y a un problème. J'ai un sac trop lourd, avec 20 cahiers qu'on peut trouver dedans. Et la moitié ne sert à rien le plus souvent. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, oh oh, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Jean-Claude dit à Rémi qu'il tentera d'évoquer ce souci pondéral auprès des profs. Alors, sur le chemin du lycée, dans sa voiture, Jean-Claude peste sévèrement après Monique de ne pas l'accompagner ce soir à cette réunion parents-prof. Lui, qui déteste les gauchistes, voilà qu'il va passer 2 heures dans un repère de socialo. Il est un peu furax. Toujours est-il que Jean-Claude se retrouve donc devant Madame de Rey, la prof d'histoire, qui lui dit avoir eu un petit problème avec Rémi. Jean-Claude répond à Madame de Rey qu'il est au courant et répète ce que son fils lui a dit. Papa, j'ai dit à ma prof d'histoire qu'elle était bien roulée. Enfin, je voulais vérifier si c'était vrai. Enfin, qu'il a dit ça. Oui, non, non, mais je le défends pas du tout. Enfin, je crois qu'il regrette profondément ce qu'il a dit. Hein. Enfin, il le pensait pas du tout. Il m'a dit, mais papa, je le pensais pas du tout. Enfin, va la voir. Lui pas parler, dire que je le pensais pas. Je crois que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il avait beaucoup de respect pour vous. Mais bon, il a été excessif, quoi. Enfin, bien roulé, c'est excessif. Très énervé, la prof d'histoire géo de Rémi fait alors remarquer à Jean-Claude qu'il est un père irresponsable et que surtout, ses propos sont outranciers à son égard. Elle est au bord d'appeler les services sociaux. Jean-Claude lui répond qu'il n'est pas venu ici pour se faire engueuler et il lui fait remarquer qu'à son époque, à l'école... La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Là-dessus, la prof d'histoire géo demande immédiatement à Jean-Claude de quitter sa salle de cours, que c'est un obsédé, voire un pervers. Jean-Claude s'en va, fou furieux. Désormais, il fait la queue pour rencontrer cette fois M. Thalès, le prof de maths de Rémi. Pendant qu'il patiente, dans ce long couloir du lycée, Jean-Claude se souvient qu'adolescent, il n'aimait pas l'école. Plongé dans ses souvenirs, il se remémore ce que disaient de lui ses professeurs. « Faut tout lui dire !» Faut tout lui dire, faut tout lui dire à ce gosse, tout lui dire. Tu sais que je l'ai entendu, faut tout lui dire. Au début à l'école, c'était... Vous ne savez pas vos leçons. Un octogone à 8 côtés. 8. La bataille de Marignan. 1515. Quant à Louis XIV, il n'est jamais allé à Sainte-Hélène. Faudra vous faire une raison. Par contre, vous serez là jeudi, vous. M'entendez ? Eh oui. Il en a fait des heures de colle le jeudi, le Jean-Claude. En repensant à tout cela, Jean-Claude sourit et se dit qu'il ne s'en est pas si mal sorti. Quand tout à coup, un autre parent d'élève qui sort, lui, de chez M. Baudelaire, un prof de français, apostrophe Jean-Claude. Je suis en colère parce que mon fils a encore eu un 0. C'est tout ce qu'il s'est fait. Son professeur de français, là, donner des 0. Il lui a compté 35 fautes dans son devoir de composition française. Vous vous rendez compte, 35 fautes, il faut les faire. Ce type-là, il est payé la faute, c'est pas possible. En plus que ce monsieur se permet des réflexions désobligeantes en disant à mon fils, je me demande comment une seule personne peut faire autant de fautes sur un exercice. D'abord, mon fils n'était pas tout seul, moi, son père, je l'ai aidé. Jean-Claude se dit que décidément, ces réunions parents-prof, ce n'est agréable pour personne. Quoi qu'avec le prof de maths, ça s'est plutôt bien passé, si ce n'est que Rémi, certes, a du potentiel, mais qu'il bavarde beaucoup pendant les cours. La suite n'est pas mauvaise non plus, puisqu'en physique, ça roule, le prof est satisfait de Rémi, si ce n'est là encore le bavardage. Tout roule donc, jusqu'à la rencontre avec M. Watson, le prof d'anglais, qui lui est très remonté contre Rémi, qui n'en fout pas une ramée et qui est une brêle dans la langue de Shakespeare. D'ailleurs, Monsieur Watson fait remarquer à Jean-Claude que, grosso modo, le niveau d'anglais de Rémi se résume à peu près à ça. Jean-Claude Jean-Claude trouve ce prof d'anglais assez fantasque et ça le fait marrer de rencontrer un type aussi barré qui se met à chanter devant lui pour évoquer les difficultés de son fils à retenir ses leçons. Et à ce propos, Jean-Claude signale à Monsieur Watson que lui aussi... Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Monsieur Watson est choqué par l'insolence de ce parent d'élève. Tu parles que c'est plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Le prof d'anglais réagit immédiatement aux insultes de Jean-Claude. C'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Et voilà, se dit Jean-Claude, encore de la morale sur l'éducation que je transmets à mon fils. Il fait remarquer à ce prof d'anglais-là que l'an passé, avec Madame Hilton, qui est malheureusement partie à la retraite cette année, Rémi, lui, avait un très bon niveau d'anglais. Alors ces menaces-là pour Jean-Claude... Ça me fait... Jean-Claude est à bout de nerfs et il décide de quitter le lycée Amel Bent pour rentrer à la maison. Il inventera le reste pour Monique. Quand Rémi lui demande alors ce que ses professeurs ont dit de lui, son père lui répond qu'il a surtout retenu que pendant les cours... Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, tu jures les mêmes refrains, tu fais bla bla bla. Si la parole est d'argent, je rêve d'un ton fait fortune en t'écoutant. Tu fais bla bla bla. C'est ton défaut. Oui. Quant à Monique, qui veut elle aussi savoir ce que pensent les professeurs de son fils, Jean-Claude lui dit qu'il ne faut pas s'en faire, que Rémi suit les traces de son père. Et il dit à Monique qu'après tout... J'ai eu moi aussi 17 ans, le monde n'était pas différent. Certains n'avaient rien à gagner, des places leur étaient réservées. Je détachais dans des revues toutes celles qui étaient moitié nues. J'ai fait l'amour solitairement. Où est la honte à 17 ans ? Oh là là ! Monique comprend très vite que Jean-Claude a dû déraper pendant cette réunion parents-prof. Mais que certains enseignants n'ont pas dû être très tendres non plus avec leur fils. Fin de l'histoire. Cela dit, pour rassurer Jean-Claude, Monique lui dit qu'en déposant Rémi ce matin au lycée, elle a aperçu Madame le proviseur et que, franchement, ce n'est sûrement pas celle-là qui va nous faire la morale sur Rémi. Quand vient le mardi, la grande Zoa met ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoa autour du cou se met un boa. Il y en a qui marmonnent que la grande Zoa, ce serait un homme. On dit ça. Il y en a qui marmonnent que la grande Zoa, ce serait un homme. Dans sa Rolls blanche, elle s'en va place blanche, dans des nightclubs ou dans des pubs. Aussitôt qu'elle entre, elle devient le centre des conversations entre garçons. Comme elle est bizarre, quelle allure elle a, et ce grand foulard, oh, mais c'est un boa. Comme elle est bizarre, voit plus. Elle n'a tout de même pas disparu. On peut la retrouver rue des Saint-Père, décorateur et antiquaire. En complet veston, plein de décorations. Elle vend du Louis XVI avec des yeux de braise. Mais quand vient le mardi, la grande Zoa met ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoa, autour du cours, met son boa. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte quand elle se maquille. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte quand elle se maquille. Elle va chez Henri pour boire un coca et demande un whisky pour son boa. Quand il est très tard, on la voit rentrer fumant un cigare à grosse bouffée. On n'a jamais su qui était Zoa. Elle fut manger cru par son boa. Elle fut manger cru par son boa. On n'a jamais su. La grande Zoa chante Régine en 1966 parce que, c'est clair, on a tous donné des surnoms à nos profs. Mais bon, très vite, on se rend compte que les profs aussi donnent des surnoms aux élèves, du genre Kuitcha, Lolita Raté ou encore Casburne. Alors, nous voici donc arrivés au terme de cette émission consacrée aux profs. Du tableau noir à la machine à café, de Ségolène lycéenne à Jean-Claude au lycée et du prof sadique qui mate TF1 au prof sympa qui écoute France Inter, nous avons tenté de te dresser un panorama subjectif de ce que peut être le plus beau métier du monde. Prof, on vous aime. Alors, c'est quoi un prof? Eh bien, c'est une personne hyper qualifiée dans sa discipline qui a passé un concours très sélectif et qui transmet des savoirs et des méthodes dans le cadre de programmes nationaux. Aujourd'hui, en France, il y a 68 000 écoles, collèges et lycées pour près de 900 000 enseignants. C'est énorme. Donc, ce n'est pas encore une espèce en voie de disparition. Cela dit, il faut quand même noter que l'école demeure sans doute l'un des derniers espaces républicains où la mixité sociale et l'égalité des chances pourraient encore espérer survivre, et la courroie de transmission de tout cela, ce sont les profs. Alors si on continue régulièrement à supprimer des milliers de postes, comme c'est le cas aujourd'hui, voilà comment tout cela va se terminer. C'est Hugues qui offrait une jolie chanson à son prof en 68. Voilà, fin du 50e épisode. C'était C'est quoi les profs, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Footrack et Archi Loufoque. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec un prof, Xavier Mauduit, agrégé d'histoire, un ami précieux que je remercie chaleureusement, au platine, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui de Julien Chabassu et de Serge Viguier, merci à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores, merci beaucoup à Flora Bernard. Merci aussi à Clarisse Le Gardien, notre nouvelle stagiaire. Merci à Thierry Dupin, Olivier Lefayère, Philippe Chalinier. Voilà, toutes les informations complémentaires pour la panique au Mangin Palace sur franceinter.com. Vous pourrez podcaster l'émission dans quelques minutes. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc en direct dimanche prochain. Mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue. Aujourd'hui, départ de la route du Rhum, la Banque Postale. À suivre et à vivre sur France Inter et franceinter.com. Vous écoutez France Inter, c'est une très bonne idée, il est midi.